Investissent leur opération. Je vis dans un monde que je ne comprends plus. Système corrompu, moi et lui, y'a déjà longtemps qu'on a rompu. L'extrême droite aux élections, même en opposition. Attention, Sarkozy est en position. Un avenir dans le droit chemin, dans quelles conditions? S'il y a déjà des critères spécifiques pour leur audition. J'aimerais me barrer, mais je peux pas payer l'addition. Vu qu'il y a rien sur mon compte, toutes les nuits je me fais des fictions. Une France pour qui je n'ai plus d'affection, pourtant j'ai des convictions. Entends ma diction comme une malédiction. Les principes se dissipent avec le temps. Certes, la galère domine, le flot qui se déploie et s'incline. Cependant, le flot seul est maître. Alors tu sais maintenant où mon disque, ils peuvent se le mettre. Chaudard, qu'il reste encore des ariens. Je suis sérieux, mais ma carte électorale me sert à rien. On est fait comme des rats dans les égouts. Cherche de quoi se mettre sous la dent. Une saga sous un sale temps. Ça craint un environnement incertain qui me donne envie de déserter, mais impossible d'en sortir. Ça craint une moralité douteuse. Un entourage qui me laisse perplexe. Ça craint un environnement incertain qui me donne envie de déserter, mais impossible d'en sortir. Ça craint une moralité douteuse. Un entourage qui me laisse perplexe. Tellement chaudard que même Satan s'entaille à de les veines. Ces bolos rockers se plaignent alors qu'ils ont de la veine. Entre le père inoffensif et la mère remplie de bif, donne naissance à une tête à claque, il faudrait remplir paf. Pendant que les médias volent comme des mouches à merde, reniflant le moindre dérapage, même quand le terrain penche. Surtout quand y'a du sang qui coule et que ça chicane. Ces petits bâtards sont toujours là quand y'a des gens qui cannent. C'est chaud entre les petites poucaves et les indiques, alors je deviens paranoïaque. Car je compte pas sur les Aztèques. Une société qui donne mal à la tête, ils veulent me la mettre. D'origine hongroise et fière de l'être. Ils sont perdus comme dans l'Ost et ils veulent lâcher du lest. Ils voudraient que je regrette, la daronne vient des pays de l'Est. La France elle-même est à bout de son système. Tellement que même sans thème je t'en sors des 16 tonnes. On s'étonne d'être parti de zéro, mais pour prouver ce qu'on sait faire, ça va être dur vu le nombre de poucrélos. Soit disant qu'avoir un diplôme est essentiel pour sortir le bolide et sa boîte séquentielle mise en scène. Et le CPE c'est du poulet, projet a dû couler. Pour ça certains ont dû se mouiller. Je viens souiller les haut-parleurs et leurs idées. Décider qu'après ça ils voudront me voir décéder. T'as pas sorti tes CD, tu savais pas que c'était. La maison de disques avait fait exprès pour te sauter. Vu comment le rap a rebondi, je viens péter des saltos. Écoute bien le mien si tu trouves qu'il est insultant. Ça craint un environnement incertain qui me donne envie de déserter, mais impossible d'en sortir. Ça craint une moralité douteuse. Un entourage qui me laisse perplexe. Ça craint un environnement incertain qui me donne envie de déserter, mais impossible d'en sortir. Ça craint une moralité douteuse. Un entourage qui me laisse perplexe. La politique, tous des disquetteurs, pour même te faire croire que chez toi y'a que des skateurs. La politique, tous des disquetteurs. La politique, la politique, tous des disquetteurs, pour même te faire croire que chez toi y'a que des skateurs.